Vous écoutez France Culture. Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. Un peu partout dans le monde, la démocratie est menacée. C'est vrai en Europe de l'Est, c'est vrai aussi de l'Inde au Brésil. Et d'après le Premier ministre français Édouard Philippe, c'est également vrai de l'Hexagone. Je sais que dans le débat public, des parlementaires sont menacés parce qu'ils pensent et parce qu'ils disent. Et on peut toujours, dans le feu de l'action, faire comme si ça n'était pas grave. La vérité, c'est que c'est gravissime. Nous ne pouvons pas envisager que des parlementaires soient menacés pour ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Bien sûr, on peut être en désaccord. Bien sûr, ces désaccords peuvent être exprimés directement. Et bien sûr, nous ne vivons pas dans un monde où il n'y aurait que les idées. Et nous savons que les luttes, les contestations prennent parfois la forme d'affrontements physiques. Nous l'avons toujours constaté, toujours connu dans notre histoire. Alors ne soyons pas naïfs. Mais si, Madame la députée, au moins, entre nous, entre citoyens dans cette Assemblée, mais bien au-delà, qui souhaitent préserver la démocratie parce que c'est notre bien le plus précieux, si au moins nous pouvions, à chaque fois que nous nous exprimons, avoir l'idée que ce qui se joue, ce n'est pas simplement notre expression ou la critique que nous formulons, mais la défense d'un bien commun, alors peut-être, Madame la députée, peut-être que les violences et les menaces auxquelles vous avez été exposées seraient un peu moins fréquentes. Édouard Philippe, lors des questions au gouvernement le mardi 11 décembre dernier, la démocratie a-t-elle vécu? C'est le superfail de la semaine en votre compagnie, Bernard Guetta. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez publié Dans l'ivresse de l'histoire aux éditions Flammarion et vous êtes en train de consacrer un livre justement à cette crise de la démocratie, tout d'abord dans les pays de l'Est peut-être pour l'évoquer, Bernard Guetta. Ah oui, dans les quatre pays d'Europe centrale plus que de l'Est, où l'extrême droite est aujourd'hui au pouvoir, c'est-à-dire deux anciens pays communistes, la Hongrie et la Pologne, mais aussi deux pays qui appartenaient au monde dit libre à l'époque de la guerre froide, je veux dire l'Autriche et l'Italie. Et je vous assure qu'une promenade dans ces pays aujourd'hui n'est pas réconfortante, on va dire. C'est quelque chose d'extrêmement surprenant pour les observateurs, notamment ceux qui connaissent des pays comme la Hongrie, comme la Pologne, parce que pendant très longtemps, on a expliqué qu'il y avait une transition démocratique qui était admirable dans ces pays, Bernard Guetta. Écoutez, il y avait surtout une transition économique, de l'économie dirigée, comme on disait, du communisme, au marché libre. Et cette transition a été extrêmement violente socialement. Et c'est la principale, non pas la seule, mais la principale explication pour laquelle aujourd'hui le libéralisme en bloc est rejeté par des pans entiers de ces sociétés. Non pas la totalité, hein, mais des pans entiers, majoritaires ou quasiment majoritaires, parce qu'ils assimilent le libéralisme politique, tout simplement les libertés, la séparation des pouvoirs, bref, en un mot, la démocratie, au libéralisme économique, ou plutôt au néolibéralisme Thatchero FMI, dont ils ont été à la fois victimes, le coût social, mais aussi gagnants, parce que ces pays se sont transformés d'une manière absolument incroyable. Ça a été ce qu'on a appelé très justement une thérapie de choc, encore une fois très très très violente, mais qui a réussi. Écoutez, la Pologne et la Hongrie d'aujourd'hui, c'est pas exactement la Pologne et la Hongrie des temps communistes, pas du tout. Mais alors justement, parce que on évoque une transition économique violente, Bernard Guetta, mais dans le même temps, on a tendance à associer défiance vis-à-vis de la démocratie et crise économique. Ces pays ne sont pas en crise économique. Alors, ces pays ne sont pas en crise économique, mais encore une fois, ils ont beaucoup souffert, et c'est comme dans la mémoire reptilienne de ces sociétés. Et puis, alors maintenant, il y a beaucoup d'autres éléments. Il y a eu la crise de 2008. Alors ça, ça a été une chose absolument spectaculaire, parce que les anciens pays communistes croyaient véritablement que l'Occident était un modèle à suivre, un modèle irréprochable. Un ami à Budapest me rappelait qu'au début des années 90, quand quelqu'un se conduisait mal, enfin bon, pas mettez les coudes sur la table, mais se conduisait mal politiquement, on lui disait « mais enfin, à l'Ouest, on ne fait pas ça ». Et puis, il y a eu 2008. Et 2008, on a découvert dans ces pays, eh bien, que l'Occident était absolument faillible et qu'il pouvait s'y passer des choses totalement aberrantes qu'on n'aurait jamais imaginées. Et le mythe occidental en a pris un coup absolument gigantesque. Et puis, ajoutez à cela deux éléments. La liste n'est pas close, mais enfin, ajoutez à cela deux éléments, l'évolution des mœurs, le mariage gay. Le mariage gay, on ne réalise absolument pas, moi-même, je ne le réalisais pas avant d'avoir fait cette enquête, à quel point ça a traumatisé des sociétés en Europe centrale qui sont à des années-lumière de cette idée, de cette possibilité, et qui ont appris qu'on légalisait le mariage gay en Europe occidentale, comme ils auraient appris ces pays, je ne sais pas moi, qu'on légalisait l'anthropophagie. Enfin, c'est une chose complètement invraisemblable, pas possible. Alors, c'est un signe à leurs yeux, de décadence totale. Et puis, il y a eu la vague des réfugiés de 2015, et là, c'est ajouté à la liste des griefs de la peur, je dirais, de l'Europe occidentale, de la peur d'une décadence de l'Europe occidentale, eh bien, l'idée, voilà, que l'Europe occidentale ouvrait ses frontières à une immigration mahométane massive, alors que l'Europe centrale, elle, avait résisté. Souvenez-vous du siège de Vienne sauvée à la dernière minute par les troupes polonaises arrivées à la rescousse contre les troupes ottomanes, etc. Tout ça est très très vivant encore dans l'histoire, parce que jusqu'à la tout début du 19e, il y avait quand même des parties non négligeables de l'Europe du Sud, de l'Europe des Balkans. Mais vous savez que les Balkans, ça commence à Vienne, hein, comme on disait au 19e siècle. Eh bien, cette présence, cette menace ottomane, c'est-à-dire musulmane, mahométane, elle est très très présente dans les esprits. Et donc, ce qu'a fait Madame Merkel, c'est une trahison totale. C'est une trahison totale de l'Europe, de l'Occident chrétien. C'est vécu comme ça. Et donc, il y a un rejet de ce qu'ils appellent l'Occident. Ce qu'ils appellent l'Occident, ils n'en font plus partie dans leur esprit. Ils sont l'Europe centrale, ils ne font plus partie de l'Occident. Et donc, s'ajoute au grief trentenaire maintenant de la thérapie de choc, l'idée qu'il faut se démarquer de ces régimes laxistes et décadents et démocratiques, en tout cas libéraux, que sont les pays d'Europe occidentale. Ça va mal. Mais alors justement, c'est ça qui est étonnant, Bernard Guetta, parce que après tout, s'ils ne sont pas d'accord, par exemple, sur la politique migratoire, ils peuvent très bien démocratiquement décider d'une autre attitude par rapport aux migrants. D'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Pourquoi est-ce la démocratie qui trinque, alors que de notre point de vue, la démocratie est justement le régime qui permet au peuple de disposer d'eux-mêmes? Parce que, vous savez, il n'y a pas de régime, la démocratie moins qu'un autre, comment dire, qui soit défini sur un nuage. Tout régime doit être incarné par des forces politiques, par des politiques, par des idées mises en application. Or, la démocratie, eh bien, ce n'est plus vu par Monsieur Orban ou par Monsieur Kaczynski. Ce n'est plus les Lumières qu'ils rejettent. D'ailleurs, j'ai entendu à Budapest, dans la bouche du recteur de l'université Corvinus, de la Sorbonne d'Europe centrale, j'ai entendu « Yes, sir, we call into question enlightenment ». Oui, monsieur, nous mettons en question les Lumières, parce que, vous ne le savez pas, Guillaume, mais c'est parce que vous êtes extrêmement ignorant, mais le nazisme et le communisme découlent en droite ligne directement de Voltaire, Rousseau et les encyclopédistes. Ça va mal. Et en France, Bernard Guetta, justement, lorsque l'on prend la crise des Gilets jaunes, pensez-vous qu'il y ait là aussi un risque pour la démocratie française, comme le Premier ministre, semble-t-il, l'a dit dans l'extrait que je vous ai diffusé tout à l'heure, le président du Sénat, Gérard Larcher, lui-même a dit que la République était menacée. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, ce ne sont pas les les menaces contre des députés ou l'incendie de leur voiture, etc. C'est très très préoccupant, ça, évidemment. Mais ce n'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est qu'on a découvert qu'une partie non négligeable de la population française, Dieu merci, pas la majorité, ni même une minorité très très importante, mais une partie non négligeable de la population française ne croit plus en aucun des rouages de la démocratie. Alors, on ne croit plus à l'Assemblée nationale, on ne croit plus à la présidence, ça va de soi, on ne croit plus aux partis politiques, aucun, pas même Madame Le Pen, d'ailleurs, par parenthèse. On ne veut pas, pas même Monsieur Mélenchon, non. On ne veut rien de ce qui ressemble, comment dire, à l'organisation actuelle du pays, c'est-à-dire à la démocratie. On ne fait confiance qu'à son voisin de table, et encore, parce que dès que le voisin de table, je veux dire de table de camping sur les carrefours, parce que dès que le voisin en question dit « bon, ben voilà, je vais représenter notre carrefour au congrès des carrefours de la région », on lui dit « comment, manipulateur, abominable, tais-toi, traître, salaud, etc. etc. » C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune confiance, il y a même un rejet absolu de tout ce qui est les institutions d'une démocratie, que ce soit de la démocratie française ou dans l'absolu. L'idée de la représentation, non, c'est fini. Alors si l'idée de la représentation, c'est fini, ben il n'y a plus de démocratie. C'est tout bête. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en France et dans les pays occidentaux, puisqu'on a vu déjà ce qui pouvait se passer dans les pays d'Europe centrale? Ben, c'est ce qui se passe, c'est qu'en raison, pour faire très très vite, de la mondialisation, de la réduction des distances, de la liberté complète de circulation des capitaux, des possibilités de délocalisation industrielle, eh bien aucune des deux grandes forces politiques qui organisaient la démocratie occidentale quand même depuis plus d'un siècle, c'est-à-dire pour simplifier la gauche et la droite et concrètement la démocratie chrétienne et la social-démocratie, ben, aucune de ces deux forces n'est capable aujourd'hui d'organiser le progrès social. Parce que un gouvernement, même français, même allemand, je veux dire d'une puissance qui compte, moyenne certes, mais qui compte, ne peut aujourd'hui imposer quoi que ce soit à l'argent qui peut aller s'investir ailleurs si on tente de lui imposer des règles qui lui déplaisent, qu'elles soient fiscales, sociales ou environnementales. Donc on ne peut plus, et ce n'est pas totalement faux, on ne peut plus faire confiance à ces forces politiques, tout simplement parce qu'elles n'ont plus les moyens de délivrer, comme on dit en anglais, je ne sais plus le dire, de donner des résultats. Et alors si on ne peut plus faire confiance dans les forces qui incarnaient la démocratie, ben à qui faire confiance? Au vert, ils sont quand même un peu faibles, à Mélenchon, écoutez, oui, enfin, je sais pas, au Front National, mais on n'y croit pas trop. On ne fait plus confiance à rien. Et quand on ne fait plus confiance à rien, c'est très très grave, parce que la politique a horreur du vide, et qu'à ce moment-là, la tendance est de rechercher la solution alternative bien connue à la démocratie, c'est-à-dire l'homme providentiel, c'est-à-dire le dictateur. Et alors, justement, vous avez suivi différentes crises, des crises politiques, puisqu'il y a eu malgré tout, sous la 4e, sous la 5e République, d'autres crises politiques en France. Est-ce qu'il n'y a pas, là aussi, un effet de perspective? Aujourd'hui, on a l'impression que la démocratie est menacée. N'est-ce pas aussi quelque chose qui est déjà arrivé en France depuis la Seconde Guerre mondiale? Écoutez, c'est déjà arrivé dans des circonstances beaucoup plus graves, infiniment plus graves et immédiatement tragiques. Je veux dire, le régime de Vichy, l'écroulement de la République pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais même dans cette période-là, il y avait encore une confiance très très forte dans des forces politiques alternatives. Alors bon, le gaullisme au début, enfin ça a monté doucement, mais enfin quand même, à partir de 43, début 44 en tout cas, le gaullisme représentait quelque chose, et puis la gauche, la droite, ça représentait toujours quelque chose dans l'imaginaire des gens. C'est-à-dire que plus on s'éloignait, plus la population française, qui au début l'avait soutenu très majoritairement, s'éloignait du régime de Vichy, plus on revenait à des forces dans lesquelles on croyait toujours. Ben aujourd'hui, regardez l'état du Parti Socialiste et regardez l'état de ce qui avait été l'UNR ou le Rassemblement du Peuple Français, le RPF, du général de Gaulle qui s'appelle aujourd'hui les Républicains. Ces deux grandes forces politiques, immenses, essentielles à la démocratie française, sont en voie de groupusculisation, si vous me pardonnez, ce néologisme. En tout cas, sont très marginalisés. Merci beaucoup Bernard Guetta. Votre dernier livre s'intitule « Dans l'ivresse de l'histoire ». Il est publié chez Flammarion. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Jean-Frédéric à la technique et surtout dévasté par David Jakuboviez à la réalisation. Superfell.